C'est Chauter au PTMAL. Alors. Paris ne vit que pour le bénéfice. On a tous mis un doigt sur le bénévolat. À Marseille, trafic et bénéfice. Si tu cries pas un rail, faut te pénétrer là. Quand j'ai changé, j'aurais vu tous les violer. Parce qu'on savait pas si les mecs allaient durer longtemps. Je les avais prévenus que le parcours serait violent. Qu'elles vont manger le béton pour une durée à long terme. Dans le quartier, j'ai dû perdre mon temps. Je tenais pas de CV, donc pas perdre du taf. Hiver, tu charbonnes et tu sors le manteau. Les téléyants, les clignographes, meurs du staff. Ils seront assis à terre, j'serai assis à terre. Ouais, elle s'y voit déjà dans ma poche, la gâte si elle t'aime. Et puis je regarde vos trucs sur un petit Apple. Je me dis qu'il y a rien à craindre, je roule un petit après. Je me vénère sur une pile à vœux. Et je crache toute la haine sur un titre après. Parfois inutile, je fais que pilonner. Ils savent que tes chants c'est des parodies. Qu'à pêcher sur le stunt, j'ai dû piloter. Mauvaise dégaine, c'est des parodies. Allo, allo, répondeur, faut que je me sorte à l'heure. À l'aide, j'ai un faut que je ressorte à l'heure. Allo, allo, répondeur, faut que je me sente à l'heure. À l'aide de chien, faut que je ressorte à l'heure. J'ai connu la misère, mes lèvres ne tiennent jamais longtemps. J'aurais tout promis, le béton à long terme. Je rencontre le bénéfice juste pour voir si j'ai perdu mon temps. Retrouve le sourire que quand j'ai rentré, tu allais faire. Là où ça dit-le, les barrettes empilées. Pour l'eau, ça la file. Platier à beau dîner. J'suis pas loin de ma ville. Problème à l'enfilé. Dans ma tête c'est l'asile. Ça s'arrête pas on dirait. Qui tu vas pigeonner même pas ton cœur près du square. Viens me dire, viens me dire. Eux ils ont rien, ils sont juste remplis de disquettes. J'ai un livre de coups, tu sens bien qu'on est près du score. Le bolide en vise, on les fait, on fait pas du skate. Bouillon j'suis gros, c'est pas du sgar. Pas dans vos dieux, pourtant pas d'iscar. J'ai vu la police là où pas iscar. Donc le bosseur faut même pas iscour. Tu me connais fils de monte le son. J'viens de là où les petits te disent j'monte la selle. En cours y'avait pas de mention dans le sac, ça sent la drogue, fallait que j'te monte la selle. T'appelles tardivement donc un monte lassé. Vends le polo sur la langue de qui m'en passant. Sur un scooter connu les decks me chassaient. Dans le balagou de police j'deviens mon patient. Sur le bord de mon TNE. Souvent j'barre dans la nuit. Sous verre pour s'atteigner. Ça crie les méchants, on rentre dans la niche. Allo, allo, répondeur, faut que je me sorte à l'heure. À l'aide de chien, faut que je ressorte à l'heure. Allo, allo, répondeur, faut que je me sorte à l'heure. À l'aide de chien, faut que je ressorte à l'heure. J'ai connu la misère, mes lèvres ne tiennent jamais longtemps. J'aurais tout promis, le béton à long terme. Je rencontre le bénéfice juste pour voir si j'ai perdu mon temps. Retrouve le sourire que quand j'ai rentré, j'y allais faire. Là où ça dit-le, les barrettes empilées. Pour l'eau, ça la file, platier à beau dîner. J'suis pas loin de ma ville, problème à la file. Dans ma tête, c'est l'asile, ça s'arrête pas, on dirait.